édition du 23 mai 2018 d'Ave Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Ici Florence Bélepage à l'animation en compagnie d'Audrey Gosselin-Pellerin à la mise en onde. Salut Audrey! Hey! À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministes et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences. Ave Pandore est produite à Montréal, en territoire Mohawk, non cédé. Il est un peu plus de 18h et aujourd'hui, à l'émission, on discute des origines de l'obstétrique, ainsi que de lesbianisme politique. Et puis aussi, on se demande quel impact aura la modification de la loi sur les normes du travail pour les conditions des femmes occupant des emplois de faible qualité. Pendant qu'on entend notre thème, la pièce « Incendie » de Julia Jean-Baptiste, je vous rappelle qu'Ave Pandore, c'est aussi un balado. Vous y retrouverez plusieurs entrevues et reportages, notamment sur l'autisme au féminin, le sexisme au sein de l'aviation et même l'art féministe. Vous pouvez vous abonner dans votre application de podcast préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes d'Ave et Pandore. Et on commence tout de suite avec une discussion. La discussion qui suit, on va mettre la table sur les enjeux, l'enjeu des violences obstétricales. Audrey, aujourd'hui, tu vas t'entretenir avec Nesrine Bessaï du regroupement Naissance Renaissance. Bonjour Nesrine. Bonjour. On t'a déjà reçu à l'émission où tu nous avais parlé de ton projet L'accord féministe. Oui. Mais aujourd'hui, vous allez plutôt explorer ensemble l'origine du domaine obstétrical, c'est-à-dire ce qui touche la grossesse et l'accouchement. Exactement. Puis pour les personnes qui connaissent un peu moins cet enjeu-là, ça va vraiment bien mettre la table, comme tu l'as dit, parce que on va voir un peu l'historique des interventions, puis comment ça a un impact encore aujourd'hui sur les femmes, sur les personnes non binaires ou les hommes trans qui accouchent. Donc je pense que ça va être bien intéressant. Et merci Nesrine d'être là avec nous. Peut-être juste dire au début que l'article sur lequel duquel on discute aujourd'hui, ce qui nous a mené à cette discussion, c'est un article qui est paru dans la revue À bâbord sur dans le dossier la maternité et médecine. Et donc, c'est un article, en fait, qui est basé sur tout le savoir qu'a développé Stéphanie Saint-Amand et que dont tu as repris les propos là, dans la revue À bâbord. Donc, peut-être pour commencer, il faut dire que les mots sont importants. Donc, déconstruire un mot, ça nous permet aussi souvent de déconstruire des perceptions, voire des réalités qui sont forgées autour de ça. Alors, je me demandais peut-être pour commencer, si tu peux nous dire, Nesrine, quelle est l'origine du mot « obstétrique ». Oui, en fait, l'obstétrique, ça veut justement dire qu'il se tient debout devant la personne qu'on accouche. Alors ça vient aussi avec le fait que jusqu'au 16e siècle, on parlait d'enfantement et au 16e siècle apparaît la notion d'accoucheur, d'accoucher et le verbe devient lui-même intransitif. Donc on accouche quelqu'une au lieu de... Avant, on s'accouchait soi-même. Mm-hmm. C'est quand même intéressant de voir toute la transition qui vient un peu déposséder les femmes de l'action d'accoucher. Hein. C'est pas elles qui accouchent, c'est les gens qui les accouchent, bref. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, au 16e siècle, on va beaucoup voir que la religion va venir se mêler, de l'accouchement. Quel rôle joue la religion dans l'apparition de la figure de l'homme accoucheur? Mais en fait, l'homme accoucheur apparaît, c'est un peu la conjugaison, c'est ça, de la religion, mais aussi de ce que la noblesse recherchait pour les femmes nobles. Dans les deux cas, autant le clergé que les nobles voulaient créer une distance entre l'homme et l'animal. Donc, on essaye de trouver une façon plus distinguée d'accoucher. On veut pas voir des femmes à quatre pattes en sueur, en train de crier pendant leur accouchement, et ça va être des nobles qui vont appeler au chevet de leur femme en train d'accoucher, ils vont appeler un homme accoucheur qui va lui dire de s'asseoir, qui va lui dire de pas faire de bruit, ça va être toute cette notion de rendre l'accouchement moins animal, tout notre côté animal en tant qu'être humain qui est évacué. Puis la religion avait évidemment un intérêt à ça parce que c'était de ne pas de se distinguer des animaux qui n'ont pas d'âme. Donc, voilà. D'accoucher en bonne chrétienne, comme vous le dites si bien dans l'article. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est apparemment là aussi qu'on voit la mise de l'avant de la position couchée sur le dos, qui est encore considérée comme la norme aujourd'hui, alors que c'est pas vraiment intuitif là, de faire ce type de position-là. Mais non seulement c'est pas intuitif, mais c'est anti-physiologique. Déjà, il y a la gravité qui peut avoir un effet pendant l'accouchement. Et là, quand on est allongé sur le dos, il y en a plus. Et aussi, il y a le bassin a moins d'ouverture à ce moment-là. Donc, les positions physiologiques qui ont été utilisées par des femmes à travers différentes cultures et à travers l'histoire aussi, c'est des positions accroupies, c'est à quatre pattes. Il y a aussi le fait de s'accrocher à quelque chose, comme il y avait des... moi, je suis originaire d'Algérie, puis en Kabylie, c'était de passer un drap autour d'un cadre de porte pour pouvoir s'accrocher à quelque chose par les bras. Et dans toutes ces positions-là, il y a toujours la gravité qui va jouer en faveur de la sortie du bébé. Tandis que là, la position allongée sur le dos, qui est encore beaucoup utilisée en milieu hospitalier, c'est une position qui facilite effectivement le travail de la personne qui va accompagner ou intervenir sur la personne qui accouche, donc du médecin ou de l'infirmière, du gynécologue obstétricien. Et c'est pas... c'est pratique pour ces personnes-là, mais pas pour la personne qui est en travail. Mm-hmm. Qui est quand même, c'est déjà un travail assez difficile. Donc, pourquoi se compliquer la tâche, hein, on se demande. Pourquoi compliquer la tâche des femmes, du moins. Donc, la religion demeure une composante importante dans le développement de la pratique de la césarienne, qui est utilisée, à mon grand étonnement, là, comme un outil politique. Oui, moi aussi, j'étais très étonnée. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, cet article-là se fonde sur les travaux de Stéphanie Saint-Amand, qui était sémiologue et qui était chercheur aussi par rapport à l'humanisation des naissances. Stéphanie Saint-Amand est décédée à l'été 2017. C'est vraiment une grande perte pour le mouvement d'humanisation des naissances au Québec. Elle a un site aussi qu'on peut aller consulter où il va y avoir beaucoup plus d'informations que ce que je peux dire ici aujourd'hui. Mais oui, alors la césarienne, moi aussi, je voyais ça comme quelque chose en me disant, bon, aujourd'hui, on a effectivement des taux trop élevés de césarienne en milieu hospitalier. On va aller à des taux qui peuvent être de l'ordre de 20-25%, alors que selon les études, ça devrait être de l'ordre entre 5 et 10%. Donc, on est effectivement trop au-dessus de la moyenne, mais je me disais, mais quand même, la césarienne a dû être inventée pour sauver des vies. Et donc, les travaux de Stéphanie amènent l'idée que non, ça n'a pas été mis en place pour ça. Elle replace ça, donc encore, on est au 16e siècle, il y a des guerres de religion, il y a le catholicisme en Europe et il y a le protestantisme qui fait son apparition. Et donc, on a ce François Rousset, qui est un médecin, qui va être un protégé de Catherine de Médicis, qui est une fervente catholique, et lui va écrire sur la césarienne en disant que c'est la meilleure façon d'accoucher, beaucoup moins douloureux, la cicatrice toute seule, on n'a même pas besoin de recoudre. Ça a l'air déjà assez spécial, mais donc il fait la promotion de la césarienne auprès des femmes protestantes et ça va être de pratiquer des césariennes sur ces femmes-là pour sortir le bébé et le baptiser en bon catholique. Alors, on a cette distance-là qui va être les femmes mouraient après les césariennes carrément, et il faut attendre le début du 20e siècle avant qu'il y ait des césariennes qui soient pratiquées et que la mère survive à l'opération. Donc, c'est vraiment une reconstruction de comment on peut voir la césarienne si on la voit comme quelque chose qui n'a jamais été fait pour sauver des vies. Mm-hmm. Je pense qu'on l'utiliserait de façon beaucoup plus prudente aujourd'hui. Mm-hmm. Oui, il faut dire, en plus, il faisait la promotion, en fait, de laisser la plaie telle qu'elle et pas de recoudre. Donc, oui. Il laissait les femmes complètement ensanglantées qui, évidemment, mouraient au bout de leur sang. Donc, oui. Ou alors, c'était les infections qui suivaient tout aussi. Tout à fait, effectivement. Donc, les hommes obstétriciens, donc lorsque la pratique se développe, là, vont concevoir certains instruments comme des forceps, par exemple. Est-ce que on considère que c'est des bons outils? Est-ce que ce sont des outils qui vraiment aident les femmes qui enfantent? Mais l'approche des hommes accoucheurs, c'était qu'ils allaient sortir le bébé du ventre de la mère. Donc, pour le sortir, ben ils utilisaient toutes sortes de méthodes, dont aussi les forceps. Et puis, il y a eu des médecins et des sages-femmes qui ont écrit par rapport à ça, parce qu'il y avait des crânes brisés, des crânes de bébé brisés. C'était une méthode brutale. Et les instruments, en fait, l'argument des hommes accoucheurs, c'est que les instruments, les sages-femmes ne pouvaient pas s'en servir parce qu'elles n'étaient pas assez fortes pour les manipuler. Donc, ils rentrent cette notion de force qui n'était pas là au départ, au début du 16e siècle, par rapport à l'enfantement. Mm-hmm. Donc, ça va permettre, en fait, de repousser les sages-femmes vers les marges, alors que c'est elles qui détenaient une expertise, c'est ce que j'en comprends, puis d'un peu prendre la place, puis de s'imposer comme étant les personnes les mieux placées pour faire des accouchements. Bon, pour des raisons de temps, on va devoir passer au-dessus là du 18e siècle, du 19e siècle, alors qu'il y a quand même des développements intéressants là, ou du moins qu'on peut très certainement critiquer dans le milieu de l'obstétrique pour ce qui est de tout ce qui était les accouchements qui avaient lieu dans les hôpitaux, c'est pour que les personnes aillent lire l'article. Oui, c'est ça, on vous garde des punch. dans le à bâbord. Mais on vous invite, puis d'ailleurs, on va tout donner les références et aussi le blog de Stéphanie Saint-Amand. Mais donc, si on saute au 20e siècle, on se rapproche un petit peu plus de notre ère. Donc, associé au 20e siècle, on considère que l'on a peut-être même plus besoin, en fait, des personnes enceintes pour faire naître un enfant. Il se développe là, une préférence pour endormir les femmes. C'est assez particulier. Oui, c'est ce qui s'appelle le Twilight Sleep. Et en fait, c'est Joseph Dely qui a développé cette méthode. Donc, lui, l'idée, c'était de donner un peu des titres de noblesse à la pratique de l'obstétrique qui n'en avait pas. Parce que là, on s'entend, si c'était des hommes accoucheurs qui faisaient sortir des bébés avec des forceps, là, lui, il veut montrer qu'il y a toute une noblesse dans ce travail-là. Et il va... le Twilight Sleep, c'est vraiment une série de gestes ritualisés qui sont mis en place. Donc, la parturiente est endormie avec un mélange de morphine, d'éther et de scopolamine. Donc, vraiment, c'est pas une anesthésie, mais elle est endormie. Il se peut même qu'elle sentait énormément de choses, mais qu'elle s'en rappelait pas parce que c'est une formule qui était amnésiante, qui faisait oublier ce qui s'était passé. Ensuite, pratiquer une épisiotomie. Donc, on coupe les muscles du périnée dans le sens transversal, ce qui apparemment, il n'y a aucune autre opération qui se fait de cette façon-là. Couper un muscle de façon transversale, c'est contre-indiqué en chirurgie en général. Donc, après, donc, on endort la parturiente, on pratique une épisiotomie, on tire avec les forceps, et il y a aussi la méthode qui s'appelle la méthode cristellaire ou expression abdominale. Donc là, on va aller pousser sur le ventre vers, en direction du pubis pour faire sortir le bébé. On voit, c'est très mécanique comme conception. Et ensuite, on reconstruit le périnée et on remet une petite dose d'anesthésiant, anesthésiant amnésiant là-dessus. Donc, cette méthode-là, elle est en 1920 et elle va durer même longtemps à travers le 20e siècle, jusque dans les années 60. Et elle devient une routine, en fait. C'est la méthode. Alors, il y a sûrement des grands-mères aujourd'hui ou des arrière-grands-mères qui ont accouché comme ça au Québec. Mm-hmm. Ils se sont rendus compte, finalement, qu'il y avait quand même des impacts nocifs à la fois sur les femmes que les enfants. Et donc, cette pratique-là, c'est arrêté, je crois bien. Là. Oui, non, il a arrêté ça. Et oui, il y avait des impacts sur le bébé. Apparemment que c'est de là que vient la petite claque qu'on dit à la naissance, là, qu'on donnait une claque pour que le réflexe respiratoire. Mais c'est aussi parce que le bébé qui sortait était complètement, lui aussi, knock-out. Il était complètement sonné par le cocktail amnésiant et anesthésiant que la mère avait reçu. Donc, non, j'espère. En tout cas, au Québec, on n'entend plus parler de Twilight Sleep, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de problèmes dans ce domaine-là. Mm-hmm. Donc, à partir des années 60, on va vraiment voir la notion de performance là, qui va venir orienter le travail des obstétriciens, obstétriciennes. Le développement de certaines drogues et technologies vont mettre une forte pression là, pour vraiment une accélération de l'accouchement, pour que ça soit fait de manière rapide. Oui, alors on voit l'apparition de la notion de travail prolongé. Donc il y a eu, Emmanuel Friedman qui lui avait observé que en moyenne, la dilatation du col de l'utérus prenait 1 cm par heure. C'était une moyenne, donc il y avait des grandes variations à travers ça. Mais il y a un médecin, Audrey Scoll, en Irlande, qui lui s'est emparé de cette recherche-là et en a fait une norme et que ça serait une façon de constater que le travail fonctionne bien. Parce que l'obstétrique, donc à travers sa naissance, l'apparition de l'obstétrique, puis le manque de fondement scientifique à ce qui était proposé, l'obstétrique a tout le temps cherché à justifier le fait que oui, il y avait un travail qui était normal, puis un travail qui était anormal. Donc là, la notion de travail prolongé, ça vient de l'obstétrique de dire oui, il y a du travail qui est anormal, alors qu'aujourd'hui, on le sait qu'il peut y avoir, avant 7 cm de dilatation du col de l'utérus, il peut y avoir des phases de latence où on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il y a un effacement du col, il y a différents déplacements du bébé qui se font. Alors, on constate pas une dilatation du col, mais il y a du travail qui se fait. Et tout d'un coup, dans la phase vraiment, il peut, en dedans de 2 heures, avoir 3 à 5 cm d'ouverture du col qui ont lieu. Donc, ce travail prolongé, c'était en Irlande. Et aussi, à la même période, c'est qu'il y a eu, bizarrement, la généralisation de l'abattage animal, puis la centralisation vraiment d'une industrie de l'abattage bovin. Et qui a permis de centraliser la production d'une hormone qui s'appelait à l'époque la pituitrine, mais qui correspond à ce qu'aujourd'hui on utilise comme le pitocin ou la syntocine ou l'oxytocine. Donc l'oxytocine est une hormone qu'on a, les humains ont cette hormone-là, mais là c'est une hormone de synthèse qu'on est allé chercher chez les vaches et qu'on injecte pour accélérer les contractions et les renforcer. Donc ça crée des accouchements. Encore aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, des accouchements où il n'y a pas de répit. On va recevoir de l'oxytocine et là, il n'y a pas de répit entre les 4 contractions, alors que ça, dans un accouchement, mais ça aide à prendre une pause pour avoir des forces pour continuer. Donc l'injection de l'oxytocine, la notion de travail prolongé, se conjugue, puis il y a aussi toute l'industrialisation. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que dans les années 60, on considérait qu'un accouchement pouvait durer jusqu'à 36 heures. Aujourd'hui, on pense qu'une durée moyenne, c'est 12 heures. Donc, on a une réduction de ce temps-là. Et un peu, si je peux vous lancer l'image de la chaîne de montage, c'est un peu ça dans les hôpitaux, ce à quoi on assiste maintenant, parce que c'est une industrie. Le système hospitalier, il faut que ça roule. Faut vous rentrer dans telle chambre, vous allez passer dans telle chambre à tel moment, vous devez être rendu à tel stade. Et si c'est pas ça qui arrive, eh ben, on a des outils pour faire advenir ça. Donc, le pitocin, l'épisiotomie, la méthode cristallaire, la césarienne, tout ça maintenant est utilisé pour s'assurer qu'on rentre dans ce temps-là de 12 heures pour accoucher. Ben oui, exactement. Puis malheureusement, on n'aura pas le temps de parler du monitoring fœtal, mais alors que je peux dire rapidement que même si ça semble être quelque chose de vraiment positif, c'est-à-dire de pouvoir voir la fréquence cardiaque du fœtus, là, ben finalement, ce qu'on observe, c'est que finalement, ça va favoriser des interventions médicales très intrusives, chirurgicales, qui finalement, on se rend compte par après que le bébé allait très bien, puis ça vient un peu fausser l'observation là, de ce qui se passe là chez la personne qui enfante. Donc, j'espère que cette discussion vous a permis de voir un peu plus comment il y a toute une rhétorique là, qui s'est développée autour de la faiblesse du corps des femmes, puis qu'on a fait vraiment, c'est qu'on a adopté des pratiques qui viennent les affaiblir et qui donc viennent encore là nourrir cette espèce de boucle infernale qui se fait vraiment au détriment des personnes qui devraient être au cœur là, de la pratique. Oui, et déposséder aussi les femmes de l'accouchement, déposséder les personnes qui accouchent de leur pouvoir, de leur puissance d'agir pendant la naissance de leur bébé. Oui, ben merci Audrey, merci Nesrine de nous avoir éclairé à ce sujet. Pour moi, c'est tout est nouveau là, donc je suis sous le choc. je vais définitivement lire la revue, puis je vous invite nos auditrices à lire la revue aussi à bâbord. C'est le numéro 72 et le dossier s'appelle Maternité et médecine, silence, on accouche. Puis on mettra une photo également sur notre page Facebook. Aujourd'hui, s'écroule comme la lave qui s'écoule à mon pays. Tu trembles depuis le ciel qui sévit sur tes épaules. Et depuis la gamme casse qui se cache sous tes poils. Mais tu verras, notre alliance te vendra tous mes enfants. On vient d'entendre, c'est la pièce Pompéi de Mélanie Venditti. C'est une artiste montréalaise qu'on vous invite à surveiller. Elle sortira son album au cours de 2018. Maintenant, on va enchaîner avec... on va parler de lesbianisme politique. Je vous explique un peu d'où c'est parti cette idée-là. Au départ, je voulais parler d'un lesbianisme de choix. On cherchait des témoignages de femmes lesbiennes qui ont fait le choix conscient d'entretenir des relations intimes avec d'autres femmes par rejet du patriarcat, pour éviter là, de se retrouver dans des dynamiques sexistes dans leur couple. Mais je me suis rendu compte, à force de recherche et de parler à différentes intervenantes, que la politisation du lesbianisme, c'est bien, beaucoup plus vaste que je croyais. Alors, je me suis entretenue avec Lynn Chamberlain, qui est titulaire de la chaire de recherche sur l'homophobie à l'UQAM, et avec les deux co-directrices du réseau des lesbiennes du Québec, Julie Antoine et Julie Vaillancourt. Et puis, avec elle, j'ai discuté des différentes façons de politiser son lesbianisme. On commence avec la définition de Lynn Chamberlain. Le lesbianisme politisé a toujours compris plusieurs courants. C'est-à-dire que, en fait, le lesbianisme politisé, c'est lorsqu'il y a des revendications politiques qui sont associées à l'affirmation d'une identité lesbienne. Donc, il ne s'agit pas uniquement de dire « je suis comme ça, je le vis dans le quotidien et puis je m'assimile et voilà ». Il s'agit de mener des luttes. Et alors là, il y a toujours eu plusieurs tendances. Ici au Québec, notamment, il y avait les lesbiennes radicales, qui étaient des lesbiennes qui s'inspiraient beaucoup du féminisme matérialiste, donc des écrits de Colette Guillaumin, Monique Wittig, Nicole-Claude Mathieu. Elles ont même publié une revue à laquelle a collaboré Monique Wittig, une revue qui s'appelait Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui. Et ce lesbianisme était le plus radical au sens où il souhaitait vraiment une transformation radicale des rapports patriarcaux, des rapports hommes-femmes. Et ne souhaitait pas collaborer avec les féministes hétérosexuelles ni avec les hommes. De façon à créer vraiment un mouvement de lesbiennes. Il y avait une tendance qui était davantage le lesbianisme féministe, donc de se reconnaître à la fois comme lesbienne, mais aussi comme féministe, et donc avec une possibilité de collaboration avec le mouvement féministe ou avec une partie du mouvement féministe. Et ce féministe-là a été influencé aussi par, à quelque part, les mêmes auteurs, mais avait des positions moins radicales en termes de transformation sociale et, je dirais, en termes d'alliance, surtout. Comme moi, j'essayais de de tenir compte à la fois du fait d'être lesbienne, d'avoir une affirmation lesbienne, de me battre pour qu'il y ait une place pour les lesbiennes à l'intérieur de la société. Mais aussi, je considérais que beaucoup des avancées féministes permettraient aux lesbiennes d'être plus libres, de pouvoir vivre ce qu'elles souhaitaient vivre. Donc voilà pour les différents courants dans les années 70. Maintenant, pour Julie-Antoine du Réseau des lesbiennes du Québec, on va écouter sa définition. Lesbianisme politique, c'est de mettre en action, en fait, des valeurs politiques. Donc c'est promouvoir une vision qui est engagée. Il y a plusieurs niveaux d'implication politique. Donc on peut faire une pratique politique, tu sais, les lesbiennes politiques. En fait, peu importe si t'es lesbienne, pansexuelle, bisexuelle ou hétérosexuelle, tu peux être une personne politisée. Après, ton mouvement politique, tu vas le vivre de différentes façons selon qui t'es, en fait. Nous, pour notre part, on est des femmes plus d'action. Donc, on va le concrétiser dans la vie de tous les jours. On fait de la politique. Donc, lorsque je dis que je suis lesbienne, pour moi, c'est un mouvement politique. Donc, je m'affirme en tant que personne qui je suis et je reflète aussi une réalité qui est parfois invisible. Et pour les deux, Julie, du Réseau des lesbiennes du Québec, le simple fait de s'identifier comme lesbienne, ça peut être un acte politique, ce qui est aussi un couteau à double tranchant. Mais ça peut amener, je pense que, en tout cas, moi, j'ai vu de cette répercussion-là du coming out, j'ai vu des beaux témoignages de certains étudiants avec une ouverture d'esprit qui, eux, sont venus, tu sais, me confesser, justement, leur différence, le fait de sortir de leur zone de confort. Ils ont vu que moi, j'étais sortie de ma zone de confort, nécessairement, ils l'ont compris. Fait que ça les amène aussi à le faire. Mais tu trouves pas qu'il y a un paradoxe, justement, dans cet acte politique, que genre, oui, on s'assume, on le dit, tu sais, sur ton CV qui est extrêmement LGBTQ. Est-ce que, d'un côté, tu politises ton action, mais tu te fais pas, genre, un peu rejeté par la société, tu sais? Puis c'est ça aussi, tu vas être accepté dans des places qui sont vraiment spécifiques. Donc, tu sais, les actes politiques, ouais, c'est aussi ça. Oui. C'est se mettre en danger, ouais, à certains moments, puis de faire le choix d'assumer complètement sa personne, ouais, comme quelqu'un qui va changer de nom, qui s'appelle, je sais pas moi, Habib, qui va dire, ben moi, ouais, je peux plus avoir d'emploi parce que je m'appelle, ouais, Habib, puis à chaque, ouais, fois je postule, ils me disent non, fait que je vais m'appeler Tremblay. Tu sais, fait, ouais, comme ça, puis là, paf, il y a une job. Mais nous, tu sais, on est confrontés à ça. Moi, est-ce, ouais, que je vais le marquer, Réseau des lesbiennes du Québec, sur mon CV, ouais, tu sais? C'est ça. Il faut quand même, c'est une, ouais, super expérience, ouais, c'est politique et tout, mais qui va me prendre pour cette expérience-là, tu sais? Qui va la légitimiser? C'est vrai qu'il y a un enjeu, je veux dire, juste ton statut Facebook, ouais, est-ce que tu le changes? Est-ce que tu mets... Tu sais, tu vois, j'ai aucune honte à travailler au Réseau des lesbiennes du Québec, je suis super épanouie, puis je suis super contente, mais encore là... Les gens, ils vont pas se dire, oh, elle est responsable des communications au RLQ, elle est lesbienne. Ouais. Puis c'est ça que je trouve difficile. Mais je pense que encore là, ça devient un acte politique. Je veux dire, j'ai commencé un cours à la session dernière, puis j'ai fait mon coming out à mes étudiants parce que c'était un cours de journalisme, puis il fallait que je parle du FUG. Puis j'ai parlé du Réseau des lesbiennes du Québec. J'ai dit, je travaille au Réseau des lesbiennes du Québec en communication. Là, j'ai vu certains, il y avait un certain malaise, d'autres en avaient pas du tout. J'ai fait mon coming out. Ouais, mais t'aurais été gay, ça aurait été différent aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est parce qu'on est des femmes qui aiment, ouais, des femmes. Ouais. Fait qu'on est l'autre, la personne qui n'avait pas d'identité, ouais, depuis des années. Là, t'sais, les femmes n'étaient pas respectées. Donc, on est l'autre qui n'est pas censé avoir du, ouais, pouvoir et qui s'assume en ayant du pouvoir et en disant « j'aime les femmes aussi qui ont du pouvoir, ouais ». Donc, c'est excessivement confrontant. C'est, ouais, pour ça aussi qu'on a appelé pendant longtemps les lesbiennes des sorcières. C'est aussi ça, le lesbianisme, ouais, politique. C'est d'affirmer qu'on est sous une pression. Puis le lesbianisme féministe, c'est aussi d'admettre qu'il y a des pressions sociales puis qui fait qu'on se transforme à cause de ces pressions sociales-là. Pouvons-nous seulement, ouais, être qui qu'on est sans avoir peur de vivre de l'oppression de l'extérieur? Et bon, les différents courants du lesbianisme vont varier selon la région géographique du monde. Et je vais revenir à la fin du segment. Par exemple, aux États-Unis, il y a un mouvement séparatiste plus fort, nous dit Lynn Chamberlain, c'est-à-dire créer un univers non mixte, uniquement de femmes. Et pour Lynn Chamberlain, le danger, c'est de laisser tomber certains combats politiques. Après les années 70, le féminisme lesbien évolue plus vers la lutte contre la discrimination, notamment à travers une alliance avec le mouvement gay. Et puis aujourd'hui, Lynn Chamberlain croit qu'il y a encore un peu moins de demandes pour un mouvement politique lesbien. Mais je dirais que comme courant politique, le lesbianisme et le féminisme n'existe un peu pessimiste comme constat, mais n'existe plus au sens que c'est vu comme un peu, je dirais, dépassé à la limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant fort dont on pourrait dire oui, il faut tenir compte de ça dans les discussions, dans les débats ou dans les luttes politiques. Alors maintenant, c'est beaucoup les théories queer, la non-binarité de genre, la question trans, la question des identités de genre. Et par certains enjeux, ça recoupe les luttes féministes, mais pas tout à fait non plus. Et là aussi, il y a des tensions entre les deux. Et bon, c'est sûr que c'est mon biais. Moi, maintenant, je m'inscris plus dans le champ queer là, au niveau des études. Donc, peut-être que c'est davantage ce que je vois dans mon entourage. Mais j'ai l'impression vraiment que la pensée lesbienne féministe n'est plus en demande. N'est plus sollicitée, n'est plus... Elle peut influencer beaucoup de travaux, mais elle n'est plus un courant politique. C'est dans ce sens-là. Je ne veux pas dire qu'on est à zéro, mais ce n'est plus un courant politique qui est montant. Pour le Réseau des lesbiennes du Québec, l'art, c'est un excellent moyen de lutter. Ça paraît très surfait, cliché, mais je pense que c'est important d'utiliser l'art pour changer les choses. Au sein du RLQ, bon, quand Julie est arrivée, elle avait vraiment ce leadership-là d'approche artistique. Puis, elle était capable aussi de voir que moi, l'art me passionnait, puis que pour moi, l'art pouvait être une revendication sociale. Donc, elle a amené cette idée-là d'utiliser le cinéma. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait d'abord des capsules vidéo avec des femmes de la diversité sexuelle. Donc, des femmes que nous, on connaît de la communauté, qui sont importants dans la communauté, mais que les gens voient pas nécessairement. Donc, je pense qu'on se plaint souvent qu'on n'a pas de modèle médiatique de lesbiennes, on n'a pas de lesbiennes positives, si on veut, dans les médias. Donc, on s'est dit, nous, au RLQ, on va le faire. Et c'est de là qu'on est parti, justement, sur les capsules vidéo pour mettre en valeur les femmes de la diversité sexuelle. Mais c'était vraiment dans une portée de positif. Dans le fait qu'on voulait montrer quelque chose de positif de la communauté, puis transformer. On veut faire aussi des expositions visuelles pour valoriser les talents, les jeunes talents. Donc, ce que moi, j'avais trouvé difficile dans mon bac en art, c'est qu'il y avait personne pour nous valoriser. En fait, on faisait les cours, puis à la fin, on mettait nos œuvres dans notre sous-sol, puis finalement, t'es mettait à la poubelle. Fait que c'était valoriser les talents en leur donnant un espace d'expression gratuitement. Donc, c'est ce qu'on veut continuer aussi avec la RLQ, promouvoir les artistes, les femmes de la diversité sexuelle dans leur art. Puis on a fait un film expérimental qui met en scène, si on veut, les réalités, entre guillemets, lesbiennes, féministes, bon, etc. L'approche expérimentale, c'est, en cinéma, c'est expérimenter sur le médium. Donc, nous, on a voulu expérimenter, si on veut, sur la définition du lesbianisme, si on veut. Mais c'est important de mettre ces femmes-là de l'avant, de comment elles mettent de l'avant, que ce soit leur art, leur engagement politique, militant, pour offrir à la nouvelle génération aussi des modèles positifs. Qu'est-ce qui s'est fait par le passé? Monique Wittig, l'auteur dont Lynn Chamberlain nous parlait, dit dans « La pensée straight, la lesbienne n'est pas une femme ». C'est une phrase qui explique bien la société hétéronormative, selon Lynn Chamberlain. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que Monique Wittig dénonçait dans « La pensée straight », elle dénonçait ce qu'on appelle maintenant l'hétéronormativité. C'est-à-dire que tout dans la société est conçu à l'intérieur d'un cadre hétéronormatif, le contrat social est conçu à l'intérieur est un contrat hétéronormatif. Et dans ses textes, elle allait chercher différents penseurs et on voyait qu'il y avait toujours cette dualité homme-femme et cette supposée complémentarité homme-femme et que si on est en dehors de ça, est-ce qu'on peut vraiment être considéré comme une femme? Parce qu'une femme, c'est en lien avec un homme. Les femmes n'existent qu'en fonction des hommes et en rapport avec les hommes et au service des hommes. Donc, à ce moment-là, une lesbienne n'est pas une femme parce qu'elle échappe aux rapports sociaux qui font des femmes ce qu'elles sont, c'est-à-dire des êtres appropriés au service des hommes, au service individuel d'un homme, au service collectif de la classe des hommes, et service, on entend, service de travail domestique, travail sexuel, toutes les formes de travail. Alors, c'était cette analyse-là qui expliquait que Wittig pouvait affirmer les lesbiennes, et dans un des textes, elle dit aussi les hommes gays, je crois, ne échappent à ces rapports-là, parce que justement, ils ne sont pas des hommes, mais des femmes au sens social du terme. Maintenant, le débat qu'il y avait, c'est que les lesbiennes féministes disaient oui, mais peut-être dans ce sens-là, oui, mais par contre, les femmes, les lesbiennes sont aussi des travailleuses, sont aussi des, peuvent être aussi des mères, elles sont dans différents rôles sociaux où là, elles sont considérées comme des femmes et où elles sont traitées comme des femmes, c'est-à-dire payées comme des femmes, méprisées comme des femmes, sollicitées sexuellement comme des femmes. Donc, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas des femmes socialement. Elles souhaitent sortir du carcan de la féminité, du carcan de ce que c'est être femme, mais ce n'est pas magique et ce n'est pas acquis. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on avait des débats. Je pense toujours que c'est une phrase quand même intéressante qui donnait un sens politique au fait d'être lesbienne, justement, parce qu'on voyait dans le lesbianisme plus que un désir ou une attirance sexuelle, mais une résistance à ce que la société voudrait qu'on soit. La société définit des attentes, impose des contraintes, et le fait d'être lesbienne et pour vivre son lesbianisme, il faut résister à ce que la société attend de nous, à la façon dont elle veut nous définir. Donc, le lesbianisme est déjà en soi, d'une certaine façon, une pratique politique. Cette hétéronormativité dont nous parle Lynn Chamberlain, bien qu'on choisisse d'être lesbienne, c'est difficile d'y échapper. Julie-Antoine. Le système actuel nous propose des idéologies auxquelles on adhère de façon consciente ou inconsciente. Donc, l'hétéronormativité. Donc, la société est hétéronormative. Ça veut dire que le couple typique, c'est un homme et une femme. Et même la communauté gay, LGBTQ+, est influencée par cette hétéronormativité. Puis je pense que ça serait sleuré de dire que l'exclusion du patriarcat est au sein de mon couple. Et je pense que ça serait sleuré de dire que les femmes lesbiennes, en fait, ne vivent pas le patriarcat. C'est pas vrai, tu sais. On joue des rôles aussi. On a été éduqués, tu sais. Mes parents ont été aussi à travers la religion. Je veux dire, on est et on est modelé selon le patriarcat, tu sais. Donc, même moi, des fois, je reproduis des systèmes d'oppression avec ma conjointe. Puis elle, pareil, tu sais, mais à différents niveaux aussi. Tu sais, peut-être qu'on est plus conscients des systèmes du patriarcat, mais je pense que le système auquel on est plus modelé, c'est au système hétéronormatif. Donc, on a les rôles qui sont bien définis, tu sais, qui vont être plus masculins, plus féminins au sein même de notre couple qui est lesbien, tu sais. Donc ça, je pense que c'est un des systèmes de domination qu'on a le plus de difficultés à se détacher au niveau du couple. Mais sinon, au niveau de la relation interpersonnelle, je pense que c'est avec n'importe qui, autant dans le couple qu'autant dans les relations externes, le patriarcat est présent. Et le patriarcat, il joue de différentes façons. Puis sur de différentes manières à travers nos relations interpersonnelles. Puis ça serait sleuré de dire que on n'est pas victime des systèmes de domination parce qu'ils sont présents, ils sont là. Puis on n'est pas des personnes sur une île déserte. Ouais. On vit tous les jours avec d'autres personnes, tu sais. Et dans un mouvement comme le lesbianisme, comment intégrer l'intersectionnalité? La réponse de Julie-Antoine. C'est l'intersectionnalité, c'est quand même difficile, en fait. Ça a des bons côtés puis ça a des mauvais côtés. L'intersectionnalité, ça propose un mouvement de groupe, en fait. Mais en même temps, ça peut invisibiliser certaines personnes qui ont des besoins qui sont différents d'autres. Donc, il faut vraiment faire attention dans le mouvement de se rendre compte qu'il y a divers systèmes d'oppression puis que certaines fois, ces systèmes d'oppression n'ont pas la même égalité. Donc, les femmes racisées, lesbiennes, vont vivre une double discrimination du fait qu'ils sont racisées, lesbiennes. Donc, prendre en considération aussi ça, mais ils sont lesbiennes pareil. Donc, dans la majorité de la minorité, les femmes asexuelles sont complètement invisibilisées. Les bisexuelles, encore plus, sont même ostracisées. La communauté lesbienne, tu sais, démonisée quasiment, là, tu sais. Donc, il faut faire attention à tout ça à travers de l'intersectionnalité, parce que c'est très beau de dire oh, on est tous ensemble, on est solidaires, puis ensemble on a un mouvement beaucoup plus puissant. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut pas reproduire les mêmes mécanismes que la société nous propose. Puis il faut pas non plus, il faut prendre le temps de comprendre les diverses réalités pour pouvoir faire une belle intersectionnalité, parce que sinon on reproduit les mêmes choses que la société hétéronormative, que la société patriarcale à l'intérieur d'un microcosme. C'est tout, c'est juste qu'on va changer les systèmes. Donc, il faut faire attention au niveau de l'intersectionnalité. Sinon, j'aime beaucoup l'intersectionnalité parce que ça met de l'avant, justement, les discriminations qu'on a au sein même des mouvements féministes. Donc, on l'a vu, le féminisme dans les années 70, c'était très blanc. C'était très intellectuel aussi. Donc, certaines classes sociales étaient mises de côté. Les femmes racisées, ben, existaient quasiment pas, d'ailleurs. Là, t'sais, pis, les femmes dans la communauté lesbienne non plus, les féministes n'en voulaient pas. Donc ça change complètement dans les mouvements des femmes aujourd'hui, mais aussi dans la communauté LGBT. Comme l'a mentionné Julie-Antoine du RLQ, il faut pas oublier que les femmes de couleur se sont senties exclues du mouvement de libération des femmes. Tout comme dans le féminisme, le lesbianisme féministe a majoritairement été centré sur les enjeux des femmes blanches en Occident. Dans les années 80, il y a la poète et militante lesbienne Alice Walker qui amène le concept de womanism. C'est en réponse au féminisme qui rejoint uniquement les femmes blanches de la classe moyenne. Le womanism s'inscrit dans l'intersectionnalité en identifiant le sexisme au sein de la communauté noire et le racisme au sein du féminisme. Et c'est un mouvement qui valorise également l'amour profond entre les femmes au-delà même de l'attirance sexuelle. Il y a aussi l'écrivaine et militante Audre Lorde qui croit que les lesbiennes c'est plus qu'une orientation, qu'être lesbienne c'est plus qu'une orientation sexuelle. Elle suggère que l'idée que toutes les femmes noires sont lesbiennes puisqu'elles ont été élevées par des femmes. Et puis partout dans le monde, il y a des mouvements de lesbiennes qui apparaissent et mettent en lumière le fait que le lesbianisme féministe doit considérer le racisme, l'ethnocentrisme et la culture blanche dominante, la culture blanche de la société dominante. Par exemple, il y a le groupe de lesbiennes Chicana qui explore les différentes façons dont les lesbiennes d'origine latine vivent leurs relations homosexuelles. Pour elles, les obligations familiales, la pauvreté, l'impérialisme sont des enjeux importants pour les femmes lesbiennes des pays du tiers-monde. En 1990 aussi, il y a le Asian Lesbian Network qui voit le jour avec comme objectif d'adresser des questions de langue, d'ethnicité, de religion et de classe. Donc ça, c'est quelques exemples. Il y en a sûrement tout plein d'autres groupes lesbiens partout dans le monde qui ont leur propre perspective et qu'on gagne à découvrir. Donc, c'était mon petit aperçu du lesbianisme politique. Pour la suite, je pense que j'aimerais bien parler à d'autres lesbiennes, comme je le souhaitais, là, qui sont devenues lesbiennes par choix, pour se sortir de cette hétéronormativité et du patriarcat qui, on sait bien, a ses tentacules jusque dans le privé. Et aussi explorer le lesbianisme séparatiste, ces groupes de femmes qui se sont isolées en espaces non mixtes pour créer une forme de société utopique, ou du moins à des femmes là, qui ont le désir de le faire. Donc, si vous êtes intéressé par les capsules du Réseau des lesbiennes du Québec sur les femmes de la diversité sexuelle, on les va les mettre sur notre page Facebook. Il y en a même une sur notre autre invitée, Lynn Chamberlain. Donc, vous écoutez toujours F et Pandore à CKUT 90,3 FM. Les présentement 6h45 minutes. Et on va passer en musique avec Barbara Parvi, la chanson « Pas grandir ». Un jour, je serai comme papa, maman. J'irai au travail, j'aurai des enfants. Devenir un grand, c'est dans si longtemps. On dit que si je veux réussir, faut être bonne à l'école. Qu'on ne forge pas son avenir dans la salle de colle. Que l'école, ça apprend la vie. Si je n'en ai pas envie, si je veux faire ma place autrement, personne m'a demandé mon avis. Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir? Comment faire pour ne pas grandir, pas grandir? Comment faire si je veux pas grandir ou pas grandir? Comment faire pour ne pas grandir, pas grandir? Quand on est petit, on voit les choses en grand, comme dans les films, héros ou méchants. Et puis on apprend que les choses ont un prix. C'est pas devant les écrans que l'on apprend la vie. Je vois bien que quand on est une femme, il faut tout accepter. Obéir à plus fort que soi et puis tout encaisser. Je veux des amants et pas des maîtres, car moi, je ne veux pas me soumettre. Être une femme, c'est trop compliqué. J'aimerais continuer de rêver. Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir? Comment faire pour ne pas grandir? Je veux pas grandir, pas grandir. Si j'avais su, j'aurais pris le temps de rester un peu en enfance. Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir? Comment faire pour ne pas grandir, pas grandir? Comment faire si je veux pas grandir, non, pas grandir? Comment faire pour ne pas grandir, pas grandir? Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir? Comment faire pour ne pas grandir? Comment faire si je veux pas grandir, non, pas grandir? Comment faire pour ne pas grandir, pas grandir? Donc c'était Barbara Pravi, de l'artiste féministe française. Je vous invite à aller l'écouter. Cette chanson, Pas grandir, parle des pressions que subissent les femmes. Maintenant, le gouvernement québécois a adopté le projet de loi 176 visant à modifier la loi sur les normes du travail. C'est des mesures qui proposent des bons changements, mais qui doivent être poussées plus loin, selon l'organisme de défense des droits des travailleuses et travailleurs au bas de l'échelle. Avec nous en studio pour en parler, Victoria Réleanu, porte-parole. Bonjour, Victoria. Bonjour, Florence. Très heureuse d'être de nouveau ici avec vous en studio. Juste une petite nuance. Oui. Le projet de loi n'a pas été encore adopté. Il est en discussion. Et justement, on est en période des commissions parlementaires. Au bas de l'échelle est invité mardi prochain, le 29 mai, à intervenir et à faire part en commission parlementaire de nos revendications. Très bien. Merci pour cette précision. Et comme tu l'as dit, on vous avait reçu en janvier dernier. On avait discuté d'emplois de faible qualité chez les femmes, dont les emplois obtenus à travers les agences de placement temporaire. Et le projet de loi dont on vient de parler prévoit de nouvelles mesures pour encadrer ce secteur. Quelles sont ces mesures? Oui, il y a quelques mesures intéressantes qu'on se doit de saluer, même si elles sont encore loin d'être suffisantes pour améliorer véritablement les conditions des travailleurs et des travailleuses. Mais mentionnons quand même que l'une de ces mesures, c'est l'interdiction de la discrimination salariale pour les travailleurs et les travailleuses atypiques, c'est-à-dire ceux qui travaillent à temps partiel, sous appel ou de manière temporaire. Il n'y a aucune exclusion cette fois-ci à l'article qui vise l'égalité de traitement salarial pour tous les statuts d'emploi. Cet article existait auparavant, c'est-à-dire qu'il existe toujours à la loi sur le normes du travail, mais il y a des exclusions qui rendent son application trop difficile. Alors, la nouvelle proposition est plus claire. Salaire égal pour le travail égal. C'est une très bonne nouvelle pour les femmes parce que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. Il y a 63% des travailleurs à temps partiel qui sont des travailleuses en réalité par rapport à 27% des travailleurs qui travaillent à temps partiel. Les femmes le font souvent par choix parce que ils sont toujours obligés de s'occuper des tâches domestiques. Mais elles sont aussi deux fois plus nombreuses à travailler à temps partiel de manière involontaire. Alors, excellente nouvelle pour les femmes. Et également, dans le projet de loi, le gouvernement élargit la définition de harcèlement psychologique en ajoutant la notion de harcèlement sexuel. Est-ce que ça va permettre de mieux traiter les plaintes en harcèlement sexuel, selon vous? Il faut remonter à l'historique du recours contre le harcèlement psychologique qui a été instauré en 2002 et est entré en application en 2004. Un grand nombre de groupes féministes ont participé aux discussions et aux débats et on voit comment l'intention première de la société pour instaurer ce nouveau recours contre le harcèlement psychologique, c'était la protection des travailleuses et des travailleurs aussi contre le harcèlement sexuel. Mm-hmm. Et que finalement, on a opté pour une définition plus large de harcèlement psychologique, mm-hmm. compte tenu du fait que le harcèlement sexuel, c'est un phénomène très complexe. Il y a un pattern qui est propre aux situations du harcèlement sexuel, c'est-à-dire que ça peut commencer avec un harcèlement sexuel, mais à la suite d'un refus de la personne visée, ça va se transformer facilement en harcèlement psychologique et puis les motivations sont assez difficiles à prouver. Alors, c'est pour ça qu'on a quand même opté pour une notion englobante du harcèlement psychologique. Et le harcèlement, il est entendu dans la loi sur le nom du travail que Tous les types de harcèlement discriminatoire, dont le harcèlement sexuel, font partie d'emblée du harcèlement psychologique. Oui. Est-ce que cet ajout va changer, va sensibiliser davantage les employeurs ou même les décideurs du tribunal administratif du travail au phénomène du harcèlement sexuel? Nous ne sommes pas si sûrs. Mm-hmm. Nous pensons que d'autres mesures sont nécessaires pour lutter contre ce fléau et pour endiguer ce phénomène. Entre autres, nous pensons mm-hmm. aux réparations prévues pour les salariés, les personnes salariées victimes du harcèlement psychologique qui, présentement, ne tiennent pas compte de la nature systémique de certains types de harcèlement. Mm-hmm. Ce ne sont pas des événements isolés, mais exactement. Plutôt qui continuent de se passer. Ouais. Exactement. Et nous, on va frapper là-dessus, en fait. Nous, on va okay. demander à ce que les réparations que le tribunal administratif du travail ordonne pour les victimes du harcèlement discriminatoire tiennent compte de la nature systémique de ce phénomène et que les réparations soient systémiques également. Mm-hmm. Tout à fait. Donc, il y a aussi dans le projet de loi, les employeurs sont désormais tenus d'établir des politiques de prévention en matière de harcèlement sexuel, ce que de nombreuses entreprises avaient déjà. Là. Oui. Maintenant, ils doivent le faire. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce ne soit pas seulement pour se donner bonne figure, mais qu'il va y avoir des actions qui sont prises en faveur des victimes en cas de harcèlement? Oui, effectivement. Seule l'instauration d'une politique de prévention n'est pas suffisante. Ça dépend comment ces outils de prévention sont articulés, quels sont les mécanismes d'intervention de l'employeur, quel est le ton donné par l'employeur. Donc, mm-hmm. tous ces éléments sont très importants. On se réjouit de cette mesure de rendre les politiques de prévention obligatoires pour les employeurs parce que nous pensons que cela participe d'un processus d'éducation de la société, mm-hmm. de sensibilisation à l'harcèlement psychologique et discriminatoire en général. Mais on admet que il y a des façons de faire, des exigences qui doivent être associées à l'application de ces politiques pour qu'elles soient véritablement efficaces. Quelles pourraient être ces exigences? Tout est dans la manière. Mm-hmm. Donc, nous, on pense que lorsque l'employeur mentionne clairement quelles sont les personnes qu'il va défendre, mm-hmm. quelle est exactement la nature du harcèlement psychologique et du harcèlement discriminatoire, la transparence et nous pensons aussi que le fait d'afficher, de faire un affichage de cette politique de harcèlement psychologique dans des lieux de travail, ça peut contribuer également à ce processus de sensibilisation. Mm-hmm. C'est bien beau d'en avoir une, mais encore faut-il qu'elle soit accessible, visible par tous les employés. Hein? Exactement. Oui. Rapidement, au bas de l'échelle, se représente, comme vous l'avez dit, aux consultations parlementaires sur le projet de loi modifiant la loi sur les normes du travail. Est-ce qu'il y a d'autres mesures sur lesquelles vous souhaitez que le gouvernement aille plus loin? Oui. Il y en a beaucoup, je suis sûre. Oui, il y en a beaucoup. Je cherchais fébrilement dans ma mémoire pour choisir une mesure la plus importante. Il y en a plusieurs selon nous, sont très, très importantes. Mais pour maintenir la condition de travail des travailleurs et des travailleuses atypiques qui ont des emplois de faible qualité, l'une des caractéristiques de ces emplois de faible qualité, c'est l'accès très réduit aux avantages sociaux. Mm-hmm. C'est-à-dire que une personne salariée peut travailler depuis longtemps et on a déjà vu, on a déjà connu des personnes comme ça au moyen de notre service d'information téléphonique, peuvent travailler depuis longtemps dans une entreprise, mais toujours à temps partiel et peuvent ne pas avoir accès au régime de retraite ou aux assurances collectives, contrairement à leurs collègues qui travaillent à temps plein. Donc, nous pensons que c'est un autre facteur d'appauvrissement et l'une de nos principales revendications concernant l'égalité de traitement pour tous les statuts d'emploi vise justement le paiement d'une compensation, d'une indemnité compensatoire qui est équivalente à la contribution de l'employeur pour les avantages sociaux. Mm-hmm. Très bien, bien. On vous souhaite bonne chance en espérant que tous vos arguments seront tenus en compte, pris en compte dans la loi modifiant la loi sur les, dans le projet de loi modifiant la loi sur les normes du travail. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous, Victoria. C'est toujours très agréable de vous recevoir. Ah, c'est très réciproque. Il est presque 19h. Voilà ce qui conclut l'édition du 23 mai 2018 d'Eve et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. J'espère que l'émission vous a plu. C'est Florence Bélepage à l'animation. Merci à ma consoeur de toujours, Audrey Gosselin-Pellerin, à la mise en onde et avec qui j'ai préparé cette émission. Merci à toi, Florence. Love you. Il y a bien de l'amour aussi. On remercie également les intervenantes qui ont accepté de répondre à nos questions. Merci à Nesrine Bessaï et à Victoria Ré-Léanou de s'être déplacée en studio. N'oubliez pas de vous abonner à Eve et Pandore dans votre application de podcast préférée pour écouter nos anciens segments et surtout nos futurs reportages. Les émissions d'Eve et Pandore sont également archivées pendant 3 mois sur ckut.ca et pour l'éternité sur Mixcloud. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou bien si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous à travers la page Facebook d'Eve et Pandore. Dans quelques secondes, Amandla suivra. Eve et Pandore sera de retour sur les ondes FM, je crois que c'est en nous, mais on va vous confirmer ça. Dans quelques mois donc, et on se dit à bientôt, on a déjà hâte de vous retrouver.